Ce morceau s'appelle Les Oiseaux. Micro. C'est pour tous les gars de ouvert. Nos os. Pour tous ceux qui se sont envolés beaucoup trop tôt, beaucoup trop loin, beaucoup trop haut. Tous ces drôles d'animaux, tous ces cas sociaux. J'ai planqué plein de petits noms d'oiseaux. En fait, je trouvais ça marrant d'intégrer plein de petites choses naturelles et rurales au milieu de cet univers urbain qui est décrit. Ce petit tube s'intitule Les Oiseaux. Je le dédicace aux cas sociaux, mais aussi aux anciens, ainsi qu'à ceux qui savent encore lever les yeux au ciel. L'homme est bête et pendant les années mômes, je dirais même qu'on est des animaux. Au départ, on zone à mort, puis les années meurent et vers l'usine, on marche tous des animaux, chacun dans une meute. On devient des ennemis, les gens viennent aux zones ou matent, et la jungle urbaine bat tous les records d'audimat. Quand des rapaces à la radio, grâce à des pigeons, moi aussi j'ai l'air idiot, mais Kassem est un faucon, faut qu'on bouge d'où je sors. Tous les jeunes ont les yeux rouges sang, oui je sais. Certains quartiers sont tellement chauds que même en décembre il y fait encore beau. Les poulets sont toujours au pied de vautours, et s'y aventurent, car ici on vend tout. Y'a des savantones, on escroque, on deal, on a pour idéal un radéole en crocodile et une perdrix, beaucoup au pied, beaucoup porte là-bas qui est partout. Pourtant, tous les gamins veulent être riches, on a faim et certains veulent être riches. Enfin, les politiques pratiquent celles de l'autruche. J'en déduis qu'on prend vraiment les gens pour des dindes. Aujourd'hui, des rapaces à la radio, grâce à des pigeons, moi aussi j'ai l'air idiot. Mais Kassem est un faucon, faut qu'on bouge d'où je sors. Tous les jeunes dans les yeux rouges sang. Et tous les soirs, comme cette nuit-là, je voulais faire dodo, mais cette espèce a disparu. Merde, quoi faire d'autre? Le dos au mur, en chien désespéré, chaque soir on est au moins disparu. Les poulets, hirondelles, la nuit tombée, faire une ronde ou deux, donc on disparaît en deux de la nuit. Tous les chats sont gris, et dans les rues, les rats sont sapés tous pareils, de Marseille à Paris. Mais qu'est-ce d'espérer? Ici, c'est pas un pour tous, c'est tous pour un. On est tous pareils, on a beau se comparer, l'homme est un loup pour l'homme, et à ce qui paraît, des rapaces à la radio, grâce à des pigeons, moi aussi j'ai l'air idiot. Mais Kassem est un faucon, faut qu'on bouge d'où je sors. Tous les jeunes ont les yeux rouges sang. Oui, je sais, le rap à Lyon c'est là. Cage aux folles, mais qu'est-ce que je fous là? Le parrain prend la parole et va chercher des noiseaux rats. Mon dit manque plus qu'une plume au cul pour faire un oiseau rare. Ma chute coupe court au discours, chute coupe tout. Écoute quand sur le beat la basse court. Ce petit tube s'intitule Les Oiseaux. Je le dédicace aux cas sociaux, mais aussi aux anciens, ainsi qu'à ceux qui savent encore lever les yeux au ciel. Une question dans ce journal, que contiennent vraiment nos rivières? Eh bien la réponse est parfois étonnante, c'est le constat fait par une habitante de Gré-d'Oiseau. Chaque jour, peu importe la météo, elle nettoie les rivières bénévolement. Elle a d'ailleurs reçu le prix belge de l'énergie et de l'environnement l'année dernière. Le reportage, il est signé Céline Liégeois. Comme tous les matins, Anne-Laure Furnel a enfilé son équipement pour traquer les déchets. Objectif aujourd'hui, éliminer ses bouchons sur la Lanne. Ah là, ça c'était la partie la plus sportive. Après, c'est juste s'installer dans l'eau et aller cueillir les jolis petits déchets qu'ils nous ont laissés. Aujourd'hui, son compagnon est venu l'aider à ramasser des kilos de détritus. Canettes, bouteilles, sacs plastiques, mais aussi d'autres déchets plus surprenants. Bouteilles de vin. Coton-tige. C'est une catastrophe. Les cotons-tiges qui arrivent en rivière ont été jetés dans les toilettes. Et donc, il y a des maisons qui ne sont pas raccordées aux égouts. Et donc, tout ce qui est jeté dans les toilettes arrive en rivière. Alors, en surface, on trouvera des cotons-tiges. Dans le lit, ce seront les lingettes. Mais ses véritables ennemis sont les sacs plastiques et la frigolite. Je peux prendre que les grands morceaux parce que dans la nappe, il y a des toutes petites boulettes désolidarisées. Et ça, on ne sait pas les sortir, quoi. Malheureusement, ça ressemble très fort à de la nourriture pour les poissons. Ils vont l'attraper sans problème. En 2015, cette ancienne secrétaire commerciale au chômage a ainsi ramassé 5000 kilos de détritus. Il y a 5 ans, donc, j'ai pris connaissance des 7e continent et de la pollution des mers et des océans. Donc, comme Don Quichotte, moi, j'ai démarré le lendemain pour j'allais sauver les mers et les océans. Anne-Laure agit là où personne d'autre n'intervient. Non, clairement, personne ne nettoie les rivières si Anne-Laure ne le fait pas. Il faut savoir que la gestion des rivières donc, est gérée donc, par les différents gestionnaires, donc les communes, la région et la province. Et voilà, leur mission première, c'est d'assurer l'écoulement de l'eau. Maintenant, malheureusement, le déchet, bien, il n'entrave pas toujours l'écoulement. Les autorités applaudissent son action, mais personne n'est prêt à l'engager. Seul un contrat de bénévolat lui permet de gagner 100 euros par mois. Pourtant, son travail porte ses fruits. Lors des repas, je peux voir vraiment une évolution décrescendo du nombre de personnes qui jettent et du nombre de déchets que je retrouve. Les déchets sont triés, puis acheminés vers les filières adéquates. Récemment sanctionnée par le Forem, Anne-Laure a créé une ASBL. Elle espère ainsi pouvoir vivre de son activité en travaillant pour différents acteurs. Premier point, les institutions européennes institutionnalisent un chômage de masse en institutionnalisant, et sans le dire évidemment, parce qu'il n'est pas écrit dans les institutions européennes, la Banque Centrale Européenne a comme mission de garantir que le chômage soit au maximum. Hein. Effectivement, on se serait peut-être plus révolté. Non, ce n'est pas comme ça que disent les constituants européens. Ils disent, la Banque Centrale Européenne, sera totalement indépendante des gens que vous allez élire. Vous pouvez voter à gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous pouvez voter au centre, vous pouvez voter absolument ce que vous voulez. Ça ne changera rien. La Banque Centrale a le droit de ne même pas recevoir vos députés européens. Elle a le droit de les laisser en dehors. Je ne veux pas que vous veniez me voir. La Banque Centrale est totalement indépendante de ceux que vous avez élus. Et deux, elle a une mission unique qui est de lutter contre l'inflation. Une lutte exclusive, prioritaire et dingue contre l'inflation. C'est dingue aujourd'hui de se battre aujourd'hui contre l'inflation alors qu'on a un chômage de masse et qu'il n'y a pas d'inflation. C'est criminel. Ils le savent très bien. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est plus qu'idiot. C'est antisocial de mettre dans une constitution. Et même une constitution internationale, c'est même pas une constitution que vous pouvez changer en France. Même si nous étions l'unanimité des Français à plus vouloir, il faudrait qu'on sorte de l'Union européenne pour sortir de ce piège-là. Parce que ça dépend plus de nous, ça dépend de 27 pays. 27 pays, je ne sais pas si vous voyez le niveau, la difficulté de l'éducation populaire qu'il va falloir pour que les 400 millions d'Européens arrivent à comprendre que quand on lutte contre l'inflation, on le paye en chômage de masse. On sait que, empiriquement, quand vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Quand vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. En gros, quand vous luttez contre le chômage, vous n'avez plus de chômage. Les gens savent que quand ils perdent leur boulot, ils vont en retrouver facilement, il n'y a pas de chômage. Ils vont être revendicatifs. Ils vont demander de meilleurs salaires. Parce qu'ils savent que si on ne leur donne pas un bon salaire, ils vont sortir et vont trouver un autre boulot. C'est affreux. On fixait la barre à 9 pour la France, 9-10% de chômage pour qu'on ne réclame pas des hauts salaires. Au Japon, ils sont plus dociles, il n'y a pas besoin de leur mettre le NERU, ça s'appelle NIRU. C'est un taux de chômage minimum pour que les gens ne vous embêtent pas à demander des trop gros salaires. Au Japon, ils sont tellement disciplinés que 1% suffit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cynisme de ceux qui nous gouvernent et de nos économistes, entre guillemets. Le NERU, c'est officiel, je ne vous parle pas, ce n'est pas des théories complotistes, c'est une doctrine. Il y a un niveau de chômage qui est calculé pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ces gens-là ne cherchent pas à réduire le chômage. Ils cherchent à réduire l'inflation. Ah ouais. D'ailleurs, ils l'institutionnalisent. Ils l'écrivent dans la Constitution. Ils écrivent « La Banque Centrale sera indépendante, donc vous pouvez voter ce que vous voulez. » Ça ne changera plus rien à cette politique. Et sa mission, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, ce qui va se payer en chômage. Je récapitule. Ce premier point, c'est les institutions européennes nous condamnent durablement, sciemment, volontairement, à un chômage de masse. Mais rien que ce point-là, ça suffit à dire, mais on se barre, on s'en va. Qui a écrit ce texte-là? Pour qui on a écrit ce texte-là? Thank you. Alors, il pleut aujourd'hui, mais il fait doux quand même. Et c'est une belle nature par ici. Hein. C'est du côté de... J'ai un trou là. On présentait l'endroit, si vous voulez bien. Elle ne sait pas où elle est. Ça me fait penser à des musiciens qui travaillent parfois avec mon compagnon, qui vont à l'étranger et qui ne savent pas dans quel pays ils sont. Et parfois, ils croient être en Grèce alors qu'ils sont en Italie. Ils avaient pris, à l'époque, c'était encore l'argent et puis ils n'avaient pas pris les bons sous. Quoi. Donc, on est à Florentville. C'est la commune de Florentville. Et plus exactement à Lambermont, en Gaume, à ne pas confondre avec Lambermont du côté de Liège, ce que certaines personnes font. Il y a des gens qui viennent ici et qui réservent un gîte du côté de Liège. C'est un peu embêtant, c'est loin. Donc voilà, on est dans la belle campagne gaumaise, qui est un haut lieu préservé de la Belgique au niveau de la biodiversité, par exemple. J'ai suivi un cours de guide nature où on nous disait régulièrement cet animal ou cette plante n'existe plus, sauf en Gaume. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment que ça. Il y a une espèce de préservation de la nature en Gaume, du côté de... Vraiment, parce qu'il y a quand même l'autoroute qui n'est pas loin. Hein. Tu vois, c'est rigolo. Il faut quand même 40 minutes pour arriver à l'autoroute d'ici. Hein. Oui, et puis il y a très peu de culture, parce que la terre n'est pas adaptée aux cultures, donc c'est moins, on fout moins de crasse aussi. Ouais. Je peux donner votre prénom oui. Voilà, donc j'ai en face de moi Christine Vanacker, c'est comme ça qu'on prononce Vanacker, oui. Vanacker. Vanacker. Ah, moi j'ai vraiment un problème avec les noms, les prénoms Vanacker. J'espère que je vais... De toute façon, je vais dire Christine, ça va être plus simple. Vent à cœur. Oui, Et donc l'idée de notre rencontre, eh bien, c'est parce que j'ai vu circuler sur le réseau social comme un, je ne sais pas si c'est le bon terme, comme un peu un coup de gueule comme ça, genre il y en a marre de ces contrôles aux forêts et vous, avec d'autres personnes, hein, vous n'êtes pas toute seule, vous avez écrit un pamphlet. Voilà, et j'aurais aimé que vous développiez, que vous racontiez un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Racontez-nous qu'est-ce qui se passe pour vous, alors. C'est très drôle, parce que tout le monde dit « coup de gueule », alors que je suis dégagée de toute colère. Ça a commencé il y a longtemps, la dernière convocation. Donc ça commence dans la tête, évidemment. Ça commence par cette peur. Cette peur que chaque chômeur connaît quand il reçoit une lettre du forum qui le prévient qu'il va être convoqué, qui lui annonce comment ça va se passer, ce qu'il doit fournir, et qui le menace aussi s'il ne vient pas. Donc, moi, je suis chômeuse artiste depuis, je crois, l'âge de 23 ans. Enfin, j'étais, pardon. J'oublie déjà de dire j'étais chômeuse. Et j'ai commencé quand j'avais 23 ans, je me souviens, et je travaillais dans un théâtre qui s'appelait le Théâtre des Jeunes de la ville de Bruxelles, qui est devenu le Théâtre de la Montagne Magique. Et donc je me suis inscrite au chômage à cet âge-là. À ce moment-là, on avait très peu de convocations, très peu, on en avait de temps en temps. Et je me souviens d'une très chouette convocation qui faisait peur au début, mais avec une dame qui m'a reçue en me disant qu'elle aimait le théâtre, qu'elle aimait le travail des artistes. Une dame qui vous recevait, qui te recevait au forum, quoi, c'est ça? À l'époque, c'était l'ONEM, c'était à Bruxelles, c'était l'ONEM. Et donc voilà, je suis sortie de cette convocation avec encore plus d'énergie qu'en y étant entrée, et en ayant envie de continuer, en ayant envie de faire du beau métier. Comment je dirais, faire le bel œuvre. Mais ces derniers temps, depuis quelques années, nous sommes tous, quasi tous, convoqués, de plus en plus, et pas du tout avec ce regard-là, plutôt avec animosité, presque, avec... ça dépend qui nous reçoit. Il y a des gens qui nous reçoivent, qui comprennent, et ce sont les anciens. Ce sont ceux qui travaillent au forum depuis longtemps, qui n'ont pas du tout la même politique. Les jeunes qui arrivent en ce moment sont drillés pour faire du chiffre. Faire du chiffre, c'est-à-dire exclure. C'est des choses qu'on ne dit pas Hein, c'est des choses qui se disent parce que je connais des gens qui ont travaillé très près de ces milieux-là. J'ai des amis qui travaillent au forum. J'ai des amis qui ont quitté le forum, qui n'en pouvaient plus. J'ai des amis qui y sont encore et qui essaient de continuer à rester dans l'humanité. Donc voilà, il y a quelques années, ça a commencé à se resserrer un peu. Il ne suffisait pas d'avoir des contrats, il en fallait encore plus, il en fallait au moins 156, je pense, si je ne me trompe pas, en 18 mois, pour justifier le fait de ne pas devoir chercher un autre travail, entre guillemets, un vrai travail. Et là, ça commence à coincer. Là, ça commence à coincer. Surtout, moi, ça faisait une trentaine d'années déjà que je faisais ce métier. Je ne suis plus comédienne, mais je suis écrivain, j'anime des ateliers d'écriture, je suis réalisatrice radio depuis très longtemps. Et donc, comme les forgerons, j'ai acquis un métier. J'ai un métier. Ce qui n'était pas la vie du forum. Je n'avais pas assez de contrats, donc je devais jouer un jeu schizophrénique. Et on doit tous jouer à ce jeu-là, qui est de s'amener en face d'un contrôleur. On disait pas contrôleur avant, on disait accompagnateur. Et donc, s'amener en face de lui avec un dossier. Un dossier qui prouve qu'on cherche du travail. Ah donc, c'est déjà, ça prend un temps fou de rédiger ce dossier. J'ai une copine qui le fait à chaque fois qu'elle est convoquée. Ça lui prend 3-4 jours pour que ce dossier soit acceptable. Donc, c'est un dossier qui prouve qu'on cherche, qu'on est un bon chercheur, mais qui ne doit pas prouver qu'on est un trouveur. Donc, on nous demande de chercher du travail, mais pas d'en trouver. Et donc, je connais des gens qui, à Florentville, travaillent avec des chômeurs qui sont des gens qui n'ont pas les armes pour se défendre, qui ne sont pas lettrés, qui ne maîtrisent pas ce jeu-là, ce jeu de pouvoir répondre, mettre les bons mots dans un dossier. Et donc, ces gens les accompagnent pour qu'ils puissent arriver au forum avec un bon dossier. Ils les accompagnent en parallèle avec un autre dossier, pour les choses qu'ils ont vraiment envie de faire. Ils ont envie, par exemple, de faire une formation, mais qui dure 2 ans, pour devenir un maçon, pour devenir un couvreur, ce qui n'est pas toléré par le forum, parce que c'est trop long. On les pousse à chercher du boulot rapidement, n'importe lequel. N'importe lequel, et des contrats à court terme. Ce qui ne permet pas de s'investir dans un vrai métier. Donc voilà, tout ça, ça ne va pas. Je me resserre du thé. Et aussi, ça ne va pas. Et à l'époque, oui, j'étais en colère. Et ça me mettait mal. J'étais pas la seule. Là, je décroche un peu. À l'époque, on est où, là ? C'est difficile à dater, mais je dirais il y a 5-6 ans que ça commence comme ça. Vous êtes en colère parce que vous sentez petit à petit qu'en fait, on commence à faire des menaces, à contrôler, c'est ça en fait. Mais qu'on ne considère pas la personne qui vient au forum, qu'on ne la considère pas comme avec son bagage, qu'on ne regarde pas son curriculum vitae, qu'on ne s'occupe que de l'année qui précède, des quelques mois qui précèdent, et d'une recherche d'emploi qu'on ne la considère pas dans ce qu'elle fait au quotidien. Quand on est au chômage, on ne peut pas travailler, on doit chercher du travail. Les artistes travaillent pendant qu'ils sont au chômage. Les artistes, quand ils vont répéter dans un théâtre, le théâtre n'a pas les moyens de payer les répétitions. Donc ils ne sont pas payés, ils sont au chômage. Et c'est un état de fait qui est toléré depuis longtemps et qui a été gagné grâce aux anciens artistes qui travaillent encore. Il y a des gens comme Alexandre Van Sivers qui est toujours militant et qui travaille toujours, qui sont des gens qui se sont battus pour avoir ce droit. Le droit qui permet, à l'époque, en ayant un seul contrat par an, de pouvoir garder, de pouvoir rester à 60%. Maintenant, c'est 3 contrats. Ce sont des gens qui se sont battus pour ça. Parce qu'on n'est pas des feignants. On contribue à la culture de notre pays. La culture, c'est à ce prix-là. C'est payer des gens qui n'ont pas forcément des contrats, qui ne sont pas dans le système marchand, mais qui sont dans le système non marchand, Et donc, c'est leur permettre d'avoir du temps à eux pour créer, pour répéter gratuitement, pour danser, pour cogiter des ateliers d'écriture, pour réfléchir à un livre. Et j'en oublie, hein, j'oublie des gens là-dedans. Il y a les designers, il y a plein d'autres gens qui sont dans ce domaine, les musiciens. Quand vous allez au théâtre, quand vous regardez une série TV, vous voyez des artistes qui n'ont pas toujours été payés correctement, et qui n'ont pas été payés pour les répétitions, et qui, pour une série, auront eu peut-être, si tout va bien, un mois de contrat. Bon, le reste de l'année, qu'est-ce qu'ils font ? On ne peut pas être un bon comédien ou un bon musicien en travaillant comme un dingue dans un autre secteur pendant et ne travailler que le soir, par exemple, ou que la nuit. C'est pas possible. Il faut donner du temps à ces gens pour pouvoir devenir des virtuoses. Des virtuoses de leur art. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut arrêter, faire autre chose, satisfaire à ce qu'on nous demande, et donc se dire, ben bon, c'est vrai, j'ai un métier qui ne rapporte pas grand-chose, alors je vais faire autre chose. Ou alors persévérer. Moi, je pense qu'il faut persévérer quand vraiment c'est notre voie. Et on contribue, je pense que c'est, je ne sais plus si c'est entre 7 et 10% au produit national brut. Grâce aux auteurs, par exemple, il y a des imprimeurs, il y a des éditeurs, des secrétaires, des gens qui font la com. Il y a tout un monde qui gravite autour et qui en vit. Et donc voilà, on est exporté à l'étranger. On a des éditions en France, au Québec, dans d'autres pays francophones. Donc on est une source de richesse, pas seulement marchande, mais aussi marchande, qui n'est pas reconnue. Et un jour, on a eu une inspectrice du fisc, parce qu'on a eu aussi une association qui s'appelle Les Grands Lunaires, qui est venue ici pour voir si on était OK. Ça veut dire ben, si on ne fraudait pas. Donc, non, on ne fraudait pas, on était bien dans nos, droit dans nos bottes. Mais elle nous demandait, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de ce... Pourquoi est-ce que cette ASBL existe ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça dans votre profession, quoi ? Mon compagnon est indépendant. On lui disait, mais c'est pas rentable. Alors, elle a regardé nos comptes, elle a dit, ah oui, effectivement, c'est pas rentable. Je dis, on ne peut pas en vivre complètement. Et puis, on lui a expliqué, elle ne comprenait pas bien ce qu'on faisait. On a essayé de lui expliquer une journée sans artiste. Elle a dit, voilà, imaginez, le matin, vous vous levez. Une journée sans artiste, ça veut dire quoi ? Eh bien, il n'y a plus d'artistes en Belgique, voilà, ou en France. Il n'y en a plus, ça n'existe plus, c'est fini. Ils sont gardiens de parking, ils travaillent dans un bureau, et ils sont profs, enfin, je sais pas, ils font autre chose. Ils ne se consacrent plus du tout à l'art. Génial idée pour montrer un exemple. Oui, les artistes n'existent plus en Belgique. Il n'y a plus d'artistes. Il n'y en a plus. Donc, le matin, vous allumez la radio, il n'y a plus de musique, déjà. Il n'y a pas de jingle. Il y aura peut-être encore des journalistes. Mais il n'y a pas d'ingénieur du son pour travailler sur un documentaire radio. Il n'y a pas de réalisateur, surtout ceux qui travaillent à la pige. Par exemple, en France, à France Culture, ce sont tous des contrats courts. Ils ne sont pas, donc ils sont virables à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont virés ? Eh bien, ils vont au chômage. Ils ne peuvent pas fonctionner autrement. S'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de créateur de mode, il n'y a pas de styliste. Les vêtements, ce sont des sacs de jute. Carrément, carrément. Il n'y a pas d'artiste pour les faire. Les voitures sont moches. Enfin voilà, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien. S'ils ne sont pas là, il n'y a plus rien. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Mais quoi, alors vous avez donné cet exemple à la personne qui est venue vous contrôler, c'est ça ? Et qu'est-ce qu'elle disait quand vous expliquiez, donnez cet exemple, parce que c'est vraiment intéressant comme idée. Bah, elle n'a pas fait de commentaire. Elle n'a pas fait de commentaire, mais bon, j'espère que ça a un peu percolé, comme on dit, ce qui n'est pas sûr. Mais voilà, il faut constamment qu'on explique ce qu'on fait. Beaucoup de gens ne savent pas, en fait, ne comprennent pas ce qu'on fait. J'ai des voisins qui sont... le mari travaille au chemin de fer et elle est directrice d'école. Et elle essaie de comprendre. Et ce qu'elle remarque, en tout cas, c'est qu'on travaille tout le temps. Quand elle vient frapper à la porte l'après-midi, on ne répond pas. Et un jour, j'étais allée dans une de ses classes avec les enfants pour faire une journée comme ça d'atelier, gratuitement. Et les enfants me souhaitent bonnes vacances, parce que c'était en mois de juin. Et elle leur a répondu, mais vous savez, Christine, elle n'est jamais en vacances. Donc elle avait un peu compris. Je croyais qu'elle allait dire, elle est tout le temps en vacances. Mais non, justement, on n'est pas tout le temps en vacances. C'est ce que croient certains. C'est vrai qu'on... Bon, quand on n'a pas de rendez-vous, on peut se lever à l'heure qu'on veut. Hein. Je mets quand même mon réveil à 7h30. Et voilà, ce que les gens doivent comprendre, ça, c'est qu'on travaille de cette façon-là. On n'est pas... On n'a pas des heures fixes. Surtout ici, on travaille beaucoup à la maison. On fait du montage radio chez nous. J'écris beaucoup chez moi aussi. Et donc, c'est tout le temps à la maison. Donc, le travail se confond avec la vie privée. On essaie de mettre des balises, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, mais c'est ça. C'est un travail pas du tout de fonctionnaire, quoi. C'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas 8h, 16h, et puis c'est fini, on n'en parle plus, on rentre à sa maison. C'est que ça fait partie de la vie, mais c'est un peu comme ce statut d'artiste, hein. C'est un peu, ça fait partie de la vie, quoi. Si on enlève ce statut-là de la vie en général, mais qu'est-ce que ça devient? C'est ça aussi la question, quoi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça devient? C'est pas seulement, je dirais, les artistes, mais c'est n'importe qui. Pourquoi privilégier à tout prix l'emploi? Pourquoi employer absolument les gens? Il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Et il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas du domaine de l'emploi, qui sont très bien. Il y a pas mal de chômeurs qui consacrent leur temps dans du bénévolat, entre guillemets, ou qui assistent des personnes âgées, ou qui font de la soupe pour les enfants à l'école. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se font, qui sont du domaine des invisibles. Oui, mais je dirais que ça se fait de plus en plus parce qu'il y a le chômage qui grandit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, tout le monde rêverait d'avoir un CDI, comme on dit, contrat à durée indéterminée, c'est bon. Enfin, vous voyez, il y a aussi une logique du système qui est en transformation aujourd'hui, et donc on est obligé de repenser ce chômage, ces gens au chômage aussi. Mais bon, voilà, là, je trouve qu'on... Oui, on fait le lien aussi avec le statut d'artiste, hein, mais bon, moi, j'avais aussi envie de parler de ce statut particulier qu'est l'artiste, quoi. Hein, voilà. J'ai perdu un peu mon fil maintenant. Et un reproche qui a été fait, c'est qu'on mettait soi-disant les artistes au pinacle en les sortant du lot, en oubliant les autres. Pourquoi on disait ça? C'est une critique qui a été faite, mais je ne sais pas, j'ai relu le texte, je n'ai pas cette impression-là. C'est vrai qu'on a un statut particulier, et il faut l'admettre. On n'est pas comme quelqu'un qui serait un employé de banque qui se retrouve au chômage. On a un statut particulier qui fait qu'on doit travailler beaucoup hors contrat. C'est difficile à exprimer autrement. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens au chômage et aussi de plus en plus d'exclus. Du chômage, il y a ceux-là. Et ce sont pas, bon, ce sont des gens qui font des choses. Parfois, ils peuvent pas le dire parce que ils sont censés chercher du boulot et pas travailler gratuitement. Sinon, ils doivent faire une demande pour travailler bénévolement. Donc voilà, c'est une situation inconfortable. Les gens qui font des choses ne sont pas seulement les gens qui n'ont entre guillemets rien à faire. C'est aussi les gens qui sont employés et qui font des choses après leur boulot, qui sont aussi bénévoles après leur boulot, ou ces gens qui vont au parc Maximilien chercher des réfugiés pour les mettre chez eux, pour les protéger de la police. Ce sont des gens qui travaillent la journée aussi. Hein, donc on est tous dans le même bateau. On est tous dans le refus, dans le refus d'une déshumanisation. Mais quand tu dis on est tous, non, parce que sinon tout irait bien. Non, on n'est pas tous justement, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des guéguerres justement de dire, bah, tiens, vous qui êtes au chômage, à la limite on s'en fout, vous soyez artistes, on l'entend même pas, c'est vous êtes au chômage, vous profitez de ce système. Et donc, vous avez des comptes à rendre, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est pas évident, quoi. Ça crée des conflits les uns avec les autres. C'est ça aussi, hein. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le chômage n'est pas une aumône. C'est un droit. Ouais, mais ça, on l'oublie. On fait tout pour l'oublier, hein. C'est un droit qui a été acquis et qu'il ne faut pas perdre et qu'on est en train de perdre. Qu'est-ce que j'ai un trou là, j'allais dire quelque chose. C'est un droit et il faut se battre pour le garder. Ce que je n'ai pas fait, puisque j'ai quitté le chômage, je suis indépendante depuis octobre. Octobre de cette année, oui. Donc ça s'est passé là maintenant, quoi. Cette histoire de pamphlet, de coup de gueule qui n'est pas un coup de gueule, c'est maintenant en fait. Disons que le passage à l'acte, c'est maintenant. Ça fait des années. Que j'ai écrit ce texte il y a 3 ans, je pense. Il a été complété par les autres auteurs récemment et publié il y a quelques mois. Mais il circulait déjà sur les réseaux sociaux et certaines personnes l'avaient imprimé et l'avaient apporté lors de leur convocation. Donc c'est un message qui passait déjà à ce moment-là. Et maintenant, bon, y a le bouquin qui peut aider. Donc voilà, moi j'avais envie de passer à l'acte depuis quelques années. C'est-à-dire, c'est quoi cet acte ? Sauter du bateau, avant qu'on ne m'exclue. Mais donc, Christine, ça veut dire que tu as les moyens de sauter du bateau ? Parce que tout le monde ne peut pas se dire ça, quoi. Mais non, tout le monde ne peut pas. Surtout les gens qui sont plus jeunes, surtout les gens qui ont une trentaine d'années, qui n'ont pas eu le temps d'économiser un peu et de mettre de côté, qui n'ont pas une famille derrière qui pourrait éventuellement les accompagner, qui n'ont pas leur maison. Voilà, et qui. Moi, j'ai pris le maquis depuis déjà un petit temps, donc j'ai quitté Bruxelles déjà. Je vis à la campagne et j'ai un immense potager qui permet déjà d'avoir nos légumes. En plus, je fais du troc. On a plein de framboises, là, je fais du troc sur le marché. Enfin, il y a tout un système qui s'est installé il y a quelques temps. On a déménagé en 2005. Et qui s'installe de plus en plus. Donc on vit de peu, on vit de pas grand-chose. Les maisons ici sont pas très chères, donc ça nous a permis d'acheter dans la région. Donc voilà, on n'a pas de loyer, on a une maison à entretenir et on a un potager. Donc j'ai sauté du train en marche parce que je ne pouvais plus mentir. On nous demande de mentir. Je ne pouvais plus dire non, je passe pas mon temps à faire des curriculum vitae, à envoyer des lettres chez les employeurs. Je ne fais plus ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne grâce à mon réseau, grâce aux relations que je peux avoir, aux idées que j'ai et aux gens qui m'appellent. On fonctionne pas de cette façon. Donc, si je suis sincère, si je parle comme ça, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Parce qu'il faut que je mente. Et moi, je ne voulais plus mentir. Donc, j'ai décidé de m'exclure et de ne plus avoir ça sur les épaules. De ne plus craindre un... Même à partir du moment où j'avais décidé de le faire, j'avais encore des sueurs froides en recevant un courrier du forum ou un appel du forum. J'avais encore ce conditionnement. On est conditionné à avoir peur. Mais j'ai pris cette conscience de la peur et je n'ai plus eu peur. C'est ce qui m'a permis de sauter le pas. Je ne suis pas un exemple. C'est ma démarche à moi. Comme ça, je peux me permettre maintenant d'être indépendante parce que j'ai, depuis quelques années, pensé à ça. Et donc, je peux vivre de peu chaque année, pendant 2-3 ans. Je sais que j'ai ça d'avance et que je pourrai vivre sans problème, me nourrir et payer les études de notre fils. On est 2 indépendants à la maison, un musicien indépendant et un auteur indépendant. Ça fait beaucoup d'artistes indépendants à la maison. Donc, mon compagnon, je le vois vivre depuis 20 ans comme ça, dans cette situation-là, toujours inquiet du lendemain. Donc, je sais comment c'est. Et donc, je n'ai pas fait ça à la légère. Mais j'avais envie de réagir. Si tu sautes du bateau, tu te bagarres plus, hein. Parce que moi, en fait, voilà, j'écoute ton histoire et je me dis, bon, déjà, sauter du bateau, faut pouvoir le faire. Tout le monde peut pas le faire, c'est très clair, hein. Je veux dire, mais en même temps, ça donne, c'est comme ça, je réfléchis vite, hein. J'ai pas pris le temps de la réflexion, mais je trouve que ça fait un peu comme si t'as abandonné le navire, quoi, du coup, hein. Et maintenant, je me mets indépendante, comme tu dis, et débrouillez-vous sans moi, mais il faut continuer le combat, justement. Moi, je trouvais que c'était dedans qu'il fallait continuer, non ? Mais le combat, il continue. Il continue. J'ai une amie qui avait une très belle image, Anne Versailles, qui se posait la question, justement. Pour elle, on est tous, c'est par rapport à l'environnement aussi, hein, par la destruction de l'environnement. Elle disait, on est tous dans un train. Le train va dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on essaie de ralentir le train et on fait ce qu'on peut pour le ralentir, mais il va de toute façon dans le mur. Soit on saute et on crée des petits îlots, justement, qui sont viables. Mais je crois que tout le monde ne peut pas créer des petits îlots qui sont viables. C'est ça aussi, moi, enfin, je ne sais pas si tu me comprends, c'est-à-dire qu'on a tendance à... On va se concentrer sur la Belgique, hein, puisqu'on est en Belgique, ben, je veux dire qu'on... Hein, il faudrait regarder la masse des gens, pas simplement quelques personnes qui a... Il faut, enfin, moi, je trouve qu'il faut regarder l'ensemble de la population. Et oui, j'entends ton idée. Moi, j'aurais envie de dire ben, le train fonce dans le mur, mais on tient bon tous dedans, et même en chantant, tu vois. Ça, c'est du suicide. Mais, oui, mais la question, c'est pourquoi il y en a qui pourraient se créer des petits îlots et d'autres pas. Enfin, comment c'est... Non, mais les îlots, ils ne sont pas pour eux tout seuls, hein. Les îlots, ils sont pour ceux qui vont finalement sauter du train au dernier moment, avant qu'ils se cassent complètement la gueule. Donc, il faut préparer autre chose, une autre société. Le texte ici, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Les autres personnes qui ont participé à l'écriture du texte sont presque tous, pas tous, des chômeurs. Ils sont encore dedans. Et les gens qui réagissent à l'écriture de ce texte sont aussi des gens qui viennent du Forum et qui viennent de l'ONEM. Donc des gens que ça soulage aussi, ou que ça choque. Donc je crois que c'est ça, mon action maintenant, elle est là, elle est dans mes mots. Elle est dans mes mots et dans les rencontres qui vont avoir lieu prochainement. Il y a une rencontre qui est prévue à la Maison du Livre en décembre, qui sera animée par Eddie Kackelbergs, où sont invitées toutes les personnes chômeurs, non-chômeurs, indépendants, mais aussi les gens qui travaillent au Forum, à l'ONEM. Et on les attend, on aimerait qu'ils soient là aussi, pour qu'il y ait un grand débat. Donc voilà. Sur quoi précisément, c'est quoi l'idée principale de ce rassemblement ? Ben c'est justement ce contrôle accru des chômeurs, c'est cette destruction des droits sociaux. Et donc on attend qu'il y ait un grand débat. Ce qui est bien, c'est qu'il paraît en ce moment qu'au sein du Forum et de l'ONEM, les gens bougent beaucoup, ils se posent pas mal de questions. Donc ce ne sont pas des veaux, hein, ce ne sont pas des robots. Et je pense qu'écrire ça, c'est justement leur donner des outils, pour réfléchir. Si j'ai pris ce statut d'indépendante, c'est aussi parce que j'étais constamment contrainte de magouiller, de chercher des sous pour faire des contrats. On passe notre temps à faire des contrats, et les sous qu'on trouve, la moitié part en charge sociale. Donc il nous reste la moitié, pas grand-chose. Dans la semaine prochaine, je suis au Quartier Latin samedi. Véronica Mabardi, qui anime la rencontre, va être payée, je ne sais plus combien, 120 euros, je crois. La moitié va partir. La moitié va partir en charge sociale. C'est pas juste, c'est trop peu. Mais là, je te suis pas, Christine. Quand on a le statut d'indépendant, c'est ça, la demi va... Non. Je comprends pas, là. Non, quand tu es sous contrat. Les chômeurs, les artistes chômeurs travaillent beaucoup avec Smart. Oui. Bon, plus de la moitié s'en va. Quand ils gagnent 100 euros, ils restent 50 euros. Mais bon, ça va pour qu'un système social soit mis en place en même temps. Ce que tu veux dire, c'est que, c'est qu'on n'a déjà pas beaucoup à la base et qu'on doit payer des charges sociales très bien. Mais tu vois, moi je trouve ça bien de payer des charges sociales, ça fait un système équilibré. C'est trop, en Belgique, c'est connu, les charges sociales sont trop élevées par rapport à d'autres pays. Mais et à quoi servent-elles aussi ? Non, mais ça, il faudrait vérifier exactement à quoi elles servent, évidemment. Mais on paye beaucoup parce que, paraît-il... Après, évidemment, il faut vérifier, mais parce qu'on a une vie aussi de santé super à la pointe, parce que... Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui font qu'un système tient debout, parce que le chômage... Les chômeurs, justement, il n'y a pas, comme dans d'autres pays, après 2 ans, hop, on vous éjecte d'office. Enfin, voilà, il y a toute une logique. Oui, mais il y a beaucoup de travaux inutiles aussi. On sert aussi à alimenter beaucoup de travaux inutiles. Je crois que si tout ça était bien dirigé, parce que, justement, le personnel soignant dans les hôpitaux se plaint, ils ont trop de boulot, il n'y a pas assez d'infirmières, enfin, ils sont surchargés. C'est vers ces domaines-là qu'il faudrait, justement, apporter... Nos charges sociales, enfin, l'argent devrait aller affluer par là, mais c'est pas vraiment par là qu'il afflue. C'est parce qu'on est dans une société libérale qui fait tout pour que tout ça se détricote, justement, pour que les gens payent moins de cotisations sociales, parce que évidemment les gens pensent ah ben non, je paye trop de cotisations, mais en fait ces cotisations ça va dans ta poche quelque part quand même. Vous voyez, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée c'est que c'est un gouvernement avec les syndicats, enfin, tu vois, tous ces gens qui réfléchissent comme ça, un peu dans l'ombre, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se joue, mais ils mettent en place le détricotage, justement, de ces conquis sociaux, en fait, tu vois. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un gouvernement qui est occupé à mettre tout en place pour que tout devienne payant, même la santé, l'éducation, voilà. Parce que, tu vois, quand je t'entends dire « oui, on paye trop de charges », oui, mais enfin, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un système de solidarité énorme, balèze, qui tienne bien la route. C'est pas ça le problème, je trouve que c'est pas vers cet endroit-là qu'il faut pointer les choses. C'est plutôt comment un gouvernement est occupé à mettre en place tout un détricotage, parce que les charges sociales, tu vois, même le mot charge, tu vois, c'est la charge, tu vois, le truc bien lourd, alors qu'au fond, c'est un système solidaire et c'est super intéressant de le mettre en place. C'est que ce système, il existe parce que les gens travaillent et parce que les gens cotisent à la base. Hein. Oui, c'est ce qu'on se dit. Mais bon, il y a toute la face cachée et toutes ces pertes, justement. Et n'oublie pas non plus que les indépendants, de toute façon, paient des impôts. Hein. On paie des impôts. Mais il y a moyen de s'arranger, justement, pour que les 100 euros que je touche si j'anime une rencontre littéraire restent 100 euros. Il y a moyen, en étant indépendant et pas en étant salarié. Mais oui, toute cette... moi, je ne suis pas une politologue, quoi, je ne suis pas une spécialiste non plus de l'économie, mais à travers tout ce que je peux lire et comprendre, c'est que je crois que 80% de cet argent pourrait servir à des choses beaucoup plus sociales et ne sert pas. J'ai une voisine, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui est directrice d'école. Elle a mis 2 mois avant de pouvoir avoir une autre institutrice dans son école. Elle avait plus de 30 élèves. Il y a eu un afflux et puis on ne voulait pas la comprendre, on ne voulait pas l'écouter. Donc là, il y a un réel problème. Et oui, ok, moi je veux bien payer pour ça, mais je ne suis pas sûre que l'argent que je payais avant allait intégralement à ça. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y avait 10%. Bon, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de valeur. Hein. Je pense les valeurs, il faut savoir les mettre où elles sont. Et il y a moyen, individuellement et collectivement, de participer, même financièrement, à d'autres projets. En envoyant de l'argent dans les Kiss Kiss Bank, dans les appels de solidarité, je crois que là c'est, on sait où va l'argent. Quand on donne 2,50 € pour qu'un réfugié ait à manger, on sait que c'est là que ça va aller. Ça va pas. On espère quand même. Oui, je pense. Là, je pense que je peux avoir confiance. Voilà. Oui. Donc, voilà. Que dire d'autre? Revenons au pamphlet. Un moment fort de ce pamphlet que tu as envie de parler, de défendre ici, là? Ce qui était très fort pour moi, c'est quand le jour, justement, ça s'appelle la dernière convocation, je m'étais promise de ne pas aller à la convocation qui allait venir. Donc la convocation est arrivée, j'ai envoyé le pamphlet qui était paru. À la place, alors, du coup, de ta rencontre, quoi. Oui, je n'y suis pas allée. Et donc j'ai reçu un coup de fil de la dame avec qui j'avais rendez-vous, qui était chamboulée. Elle me disait qu'elle avait un nœud dans l'estomac, ça lui était rentré de plein fouet. Et donc, on a discuté pendant une demi-heure au téléphone. Au début, moi, j'étais aussi fort ébranlée par son appel. On était vraiment 2 femmes, d'un côté et de l'autre, toutes les deux dans un état... on n'était pas bien, ni l'une ni l'autre. Et Et ça s'est vraiment très bien terminé comme appel. Son nœud s'est dénoué, le mien aussi. On s'est dit qu'on était toutes pareilles, en fait, et qu'on était en train de se battre pour que les gens soient traités de façon plus humaine et en relation avec leur passé et leur histoire. Elle tentait de son côté, elle s'était engagée au Forum pour justement accompagner les gens, pour leur permettre de s'en sortir. Et moi, de l'autre côté, j'étais sortie du système parce que je ne pouvais plus supporter la façon dont on nous traitait. Et on se rejoignait. Bon, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui travaillent au Forum, malheureusement. Et donc je crois qu'on a tout à gagner à quitter notre place, moi du côté de la personne assise en face d'elle, et elle du côté du bureau derrière lequel elle se tenait. Donc, et j'invite ces gens à venir dans les débats pour qu'on se rencontre et qu'on discute. Tu veux dire les gens du Forum ? Oui, mais pas seulement. Ceux qui trouvent que les chômeurs sont des feignants, par exemple. On a tout à y gagner. Bon, je ne sais pas quel serait... Mon fils a 19 ans, il dit que je suis une idéaliste. On réfléchit beaucoup aussi dire ces derniers temps à l'allocation universelle, qui n'est peut-être pas seulement une bonne chose. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Mais c'est vrai que si tout le monde pouvait avoir un minimum vital et se débrouiller, ce serait déjà pas mal. Mais bon, ça, c'est à réfléchir. Il y a certaines régions du monde qui l'ont déjà appliqué. Est-ce que tu as vu le film Bureau de chômage ? J'imagine que oui. Hein ? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Parce que là, justement, il n'y a pas de statut d'artiste. Hein. Il n'y a pas d'artiste. C'est, pour ça, je trouvais que c'était... Ça t'a parlé comment, de voir ce documentaire ? J'ai emmené mon compagnon, qui est indépendant depuis toujours et qui parfois tape sur le dos des chômeurs. Parce qu'il trouve qu'il paie des cotisations pour les chômeurs. Oui, et que c'est ça qui est absurde. Oui. Et donc, je l'ai emmené. Et il était choqué. Il dit, on ne peut pas traiter des gens comme ça, quoi. Moi, on ne m'a jamais traité comme ça et on ne me traitera jamais comme ça. Lui, ça l'a fait réagir. Me traiter, ça veut dire que quoi ? Qu'est-ce qu'il trouvait de choquant là-dedans ? Ben, on traite les gens comme de la merde. Y en a une là qui, vers la fin, je pense, qui vient et à qui on conseille d'aller au CPAS. Et elle dit, moi, j'irai jamais là, quoi. C'est la déchéance complète. J'irai jamais là. Et on ne veut pas l'écouter quand elle dit qu'elle n'était pas bien, qu'elle a fait une dépression, qu'elle n'était vraiment pas bien. Et ça enfonce les gens dans la dépression, justement. Ça les fait considérer comme rien, alors qu'ils ont des qualités. Qui n'a pas de qualité ? Tout le monde a une qualité. Ça ne les met pas en valeur. Ça ne fait que pointer, justement. C'est comme les poules qui se piquent le cou, là. Quand il y en a une qui ne va pas bien, on pique encore plus fort. C'est pas comme ça qu'il faut traiter les gens. C'est plutôt essayer de trouver ce en quoi ils sont bons, même si ça ne rapporte rien. Qu'est-ce qui coûte ? C'est tout ce branle-bas de combat qu'on met autour des chômeurs. Je l'ai dit à la personne qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, oui, mais il y a quand même des gens, il y a des artistes. Enfin, ils se disent artistes, mais ils ont travaillé une fois dans un théâtre, puis ils ne font plus rien. Je dis, oui, d'accord. Je dis, c'est quel pourcentage, ça ? C'est 1% à peu près. C'est 1% de la population qui fout rien, qui profite du système. Et ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Ce n'est pas ça qui enfonce. Qu'est-ce qui nous enfonce ? C'est les gens qui ne paient pas leurs impôts, c'est les Panama Papers. Enfin, c'est ces gens-là, c'est les gens qui sont remerciés, qui touchent des millions d'euros pour être remerciés. Ce n'est pas ça qui nous enfonce. C'est ça que j'avais envie de dire, parce que vous vous rendez compte le montant d'une allocation de chômage, quoi. C'est dérisoire. Vous ne pouvez rien... Enfin, c'est 400-500 le minimum, je ne sais pas, au chômage, je ne sais pas très bien, mais moi, ce que je gagnais, c'était 1 000 euros par mois, parce que j'ai un enfant à charge. Mais voilà, ce n'est pas ça qui fout notre économie en l'air. Mais par contre, tous ces emplois coûtent cher. Ces emplois pour le Forum, les contrôleurs, tout ça, ça coûte cher. Si on supprime tout ça, on met cet argent au profit d'autre chose. De l'argent, il y en a. Hein. Il y aurait moyen de développer un autre concept de société, mais ça, c'est sûr et certain, quoi. Donc, c'est une chasse aux chômeurs, c'est une chasse... Enfin, c'est absurde, moi, je trouve, quand on regarde vraiment l'analyse, la grille d'analyse dans quoi on joue, c'est complètement fou, quoi, de tout ça, en fait. Hein, d'ennuyer vraiment les gens, en fait. C'est parce que c'est eux les responsables de quoi ? Les responsables de quoi, en fait ? D'un système qui ne va pas. Oui, quelqu'un qui a 50 ans et qui se fait virer de sa boîte alors qu'il y travaille depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a eu l'habitude, justement, d'avoir un boulot. Et puis, voilà, et tout le monde ne peut pas être des créatifs. On n'est pas tous des créatifs. Mon compagnon et moi, on crée, on invente nos métiers. Mais tout le monde n'en est pas capable. Que font ces gens ? Que font ces gens ? Mais si on les laissait tranquilles, justement, ils ont plus de 50 ans, on dit, OK, mais faites tout ce qui vous plaît maintenant. Faites les choses que vous avez envie, vous aviez envie d'avoir un petit terrain et de le cultiver, mais faites-le. Faites-le. Vous aviez envie d'aller faire des lectures dans une maison de retraite ? Faites-le. C'est utile. C'est bien. Faites-le. Surtout les gens qui ont travaillé comme ça, je ne sais pas moi, 30, 40 ans de leur vie, ils ne se voient pas au chômage. Hein. Ils sont super mal d'être au chômage. Hein. C'est horrible pour certaines personnes d'être au chômage. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens comme ça. Moi, j'en ai déjà rencontré. Les gens, ils ont l'étiquette chômeur et tout ce que la société leur renvoie, ils sont super mal avec ça. Hein. Si, j'ai un peu travaillé avec les travailleurs sans emploi d'Arlon. Et on a fait des ateliers d'écriture, ils ont fait des flash mobs. C'est des gens qui voudraient s'en sortir, qui ont plein de choses en eux, mais qui se sentent vraiment abaissés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. Ils avaient organisé, les TSE, quelque chose de génial. Ils avaient organisé sur le marché à Arlon une vente aux esclaves avec les travailleurs sans emploi. Et donc, ils étaient tous là, enchaînés, et ils vendaient aux enchères des gens. C'était super. Donc, je crois qu'il faut organiser des choses comme ça. Il faut être dans l'action. Comment ? Je ne sais pas. Mais bon, c'est difficile parce qu'on a un géant là au-dessus de nous. Hein. C'est pas seulement nos politiques, mais c'est aussi un contexte mondial. Bon, ce sont les multinationales qui gèrent. Oui, mais bon, c'est des choix d'humains encore. Hein. Ce n'est pas les machines qui nous gouvernent. Hein. Ça, bientôt, on y viendra. Mais pour le moment, c'est quand même des choix humains. Hein. Parce qu'on dit toujours, c'est l'économie qui l'a pris le dessus. Je dis, mais attends, un choix, le choix économique, c'est quand même des êtres humains qui les décident. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai réagi à un post de Valentine Gobi, qui est une chouette écrivain, qui militait pour le pouvoir d'achat des auteurs. Je lui ai dit, écoute Valentine, il y a un problème. Pourquoi tu utilises la langue de bois, justement, de ce pouvoir d'achat ? Le fait d'acheter n'est pas un pouvoir. Au contraire, c'est une allégeance. Et si on pouvait dire plutôt le pouvoir de non-achat, donc on peut décider de ne pas acheter des produits Nestlé, de ne pas acheter certains produits, pour justement les boycotter, ça c'est un pouvoir. Mais le pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un pouvoir, acheter. Donc oui, c'est là le problème. C'est là le problème. On doit militer pour le fait d'être humain, qui n'a rien à voir avec l'achat, mais de pouvoir être un humain digne, pour la dignité de l'humain, oui. Oui. Ben, on arrive tout doucement à la fin, là. Hein. Si tu vois des choses essentielles que tu as envie de dire, n'hésite pas. Moi, j'avais envie d'un peu te relancer. Alors, tu as sauté du bateau, quoi. Voilà. Oui. Oui, donc voilà, maintenant, je paie mes cotisations sociales tous les 3 mois. Et ça a l'air de t'ennuyer, ça a l'air d'être... Non, pas du tout. Non, ça ne m'ennuie pas. Je trouve ça tout à fait bien. Disons que je n'ai plus à craindre maintenant un courrier ou un appel ou... Je suis maître du bateau. Je viens d'une famille de bateliers en plus. Hein. Depuis 5 générations, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont conduit leur bateau. C'était eux. Ils étaient les capitaines, femmes ou hommes. Ils menaient leur bateau où ils voulaient. Et donc voilà, je reprends la barre vraiment et je vais où je veux sans avoir de compte à rendre. Voilà. Mais. Je ne sais pas si je vais arriver à bien m'exprimer. Il reste encore un petit peu de temps. Toi aussi, tu as un petit peu de temps ? Oui, bien sûr. C'est un peu aussi cette image... Parce que moi, en fait, l'économique et le politique, ils m'intéressent. Mais pas au sens des partis. Hein. Franchement, la politique partisane, je m'en fous complètement. Mais la politique du vivre ensemble. Tiens, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble ? Comment on se répartit les richesses ? Ça, c'est vraiment une question super intéressante. Hein. Comment on répartit les richesses ? Et la manière dont tu dis, bah oui, maintenant je suis, je paye mes cotisations sociales et je suis maître de mon bateau, c'est un peu la société libérale, hein, ça. C'est un peu la société genre, soyez tous entrepreneurs, soyez des indépendants. Donc, tu vois un peu l'idée ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Juste que là, on ne cherche pas à tout prix à faire un énorme bénéfice, mais on cherche juste à continuer à survivre au même niveau. Et donc, ça n'empêche pas d'être solidaire, justement. Et de... Moi, je crois que je vais avoir plus de temps maintenant, sans devoir avoir cette contrainte à tout prix. Justement, c'était un peu ça. C'était faire du chiffre, hein, pour le contrôle du forum. On doit faire du chiffre, c'est-à-dire on doit faire un chiffre d'envoi de courrier, de demande d'emploi. Je ne suis plus dans cette obligation de faire du chiffre. Et donc ici, j'ai du temps devant moi pour réfléchir, pour cogiter. Je dois juste veiller à rentrer à peu près, je dirais, 12 000 euros par an pour vivre correctement et au même niveau que ce pour quoi je vivais, ce avec lequel je vivais avant. Donc voilà, ça n'a rien de marchand. C'est vrai que c'est le système libéral, c'est vrai. Tu vois l'idée, tu me comprends. Hein. Je vois très bien l'idée. C'est une question que je me suis posée, que je me pose depuis des années avant d'avoir franchi le pas. Je me suis posé la question. Mais je ne vois pas la nécessité de rester au chômage alors que je peux sauter, moi personnellement. En plus, plus je vieillis, plus je deviens anarchiste. Je suis dans de plus en plus un anarchisme pur. Et on ne peut pas être au chômage et être anarchiste. C'est impossible. C'est impossible. Un anarchiste n'a pas de Dieu, n'a pas de maître. Et notre maître, quand on est au chômage, c'est le forum, ce sont ses contrôleurs. Nous avons un maître qui nous dit ce qu'on doit faire, qui nous fait signer des contrats qui ne sont pas des contrats établis de part et d'autre, mais uniquement de leur part. Donc on doit être soumis à leurs lois. Et donc là, vraiment, ça c'est ma fibre anarchiste qui dit non, moi je ne peux pas, quoi. Donc autant être anarchiste et libéral. Oui, sauf si on se dit qu'on est anarchiste et qu'il y a des droits qui sont là, qu'on est occupé à les perdre et qu'il faut se battre pour continuer à obtenir ces droits. Ouais, tu vois, je veux bien me battre pour les autres, mais je ne peux plus continuer à me battre au sein du chômage pour moi-même. Mais je peux me battre pour les autres. Et donc organiser des débats, faire que les gens se mobilisent. Le fait que les gens, les artistes chômeurs, emmènent ce texte, la dernière convocation, auprès des contrôleurs, pour moi, ça, c'est bien. Ça permet de faire réfléchir. Donc voilà, il faut continuer. Oui. Comment on peut se procurer alors ce petit livret, ce petit pamphlet ? Mais soit dans certaines librairies, il est vendu. Pas toutes, on peut le commander. L'éditeur s'appelle le Cactus Inébranlable, donc il suffit de taper le Cactus Inébranlable et on tombe sur son site où on peut aussi lui commander. On a voulu, Jean-Philippe et moi, que ce soit un livre qui soit pas cher. Jean-Philippe Carton. C'est qui ? C'est l'éditeur. Et il a aussi une autre... Enfin, il publie d'autres choses, notamment un journal satirique qui s'appelle Même pas peur. Donc il y a un sacré nombre d'anards là-dedans. Et on peut le commander ou alors le... Voilà. Donc c'est ça l'idée alors, Christine Vanacker, c'est d'avoir un pamphlet, votre pamphlet, et d'aller le faire partager au maximum, que ce soit au forum, quand on a une convocation, enfin, en tout cas qu'on fasse parler de ce petit livret. Oui, de ce petit livret, de la parole des gens qui y sont, et que ça mène à un débat. Donc vraiment, ici, il n'y avait pas la volonté de faire du chiffre, hein, puisqu'on voulait qu'il soit vraiment très, très peu cher. D'ailleurs, dans notre contrat, on s'est dit que les 100 premiers exemplaires servaient à payer l'impression. Il n'y a aucun droit d'auteur à partir des 100 premiers. Et après, bon, il y a, je sais pas, 47 par bouquin, parce que ça coûte 5 euros. Oui, et c'est pas seulement ça, c'est aussi que moi, ça m'entraîne dans d'autres démarches. Je suis en train de cogiter sur un atelier d'écriture que je voudrais proposer à la KDT en juillet, où je fais un peu le bilan de tous ces auteurs qui sont passés à l'acte. C'est-à-dire ? Je cherche des auteurs passés et présents qui sont passés à l'acte et qui ont posé des actes en plus de l'écrit. Donc qui ne sont pas seulement restés dans le côté solitaire de l'auteur, mais qui sont passés du côté solidaire. Bon, il y a des gens comme Camus, un des premiers, c'était Voltaire, qui a pris cause pour un condamné à mort. Et voilà, donc je suis en train de faire un appel, là, je cherche des auteurs. Et à partir de ces lectures, je vais faire écrire des gens et aussi les faire passer à l'acte. Il y a des gens, j'ai un ami qui s'appelle Timothée Osergoy, qui est Stéphane Joris, qui pose des stickers poétiques un peu partout. Il en a posé plus de 5000. Et donc il se balade et il en met partout. Des actes comme ça. Il y a des gens qui font des brigades d'intervention poétique dans les lieux publics. Il y a le théâtre invisible aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut aller mettre des affiches sur des panneaux publicitaires. Voilà, ce serait non violent. Après, les gens peuvent faire autre chose, mais s'ils veulent, même dans cet atelier, ce sera non violent. Donc, voilà, je suis en pleine cogitation pour le moment à partager une expérience et que chacun puisse, à son tour, se servir du tremplin artistique pour mener à bien une idée, un acte, proposer un acte. Pas suicidaire. Constructif, solidaire. Ce qui est un peu difficile puisqu'on avance dans un train, on va droit dans le mur, de toute façon. Hein. Oui, bon, mon problème, c'est la lucidité. Si je vais rester dans ma lucidité, l'humain, et le problème c'est qu'il emmène pas mal d'espèces vivantes avec lui, n'en a plus pour longtemps. Voilà. Donc de toute façon, on fonce dans le mur. Donc autant essayer de vivre au mieux d'ici là. Eh bien, ce sera les mots de la fin. C'est vraiment les mots de la fin. Hein. C'est la fin, c'est vraiment la fin, les gars. Donc vivons avant la fin.